Sylvester, Harlip, Maximus, it's gonna keep on bouncing, it's gonna keep on bouncing, it's gonna keep on bouncing. Faut que ça bouge, faut que ça bouge, faut que ça bouge, j'essaie. Moi j'ai toutes les cuits, faut que ça bouge tout de suite. Faut que ça bouge, faut que ça bouge, faut que ça bouge, j'essaie. Yo, faut que ça bouge, yo. Cette soirée sonnait bien, mon pit à col en main. Tout le monde reste ici jusqu'à 3h du matin. C'est le temps de faire copain copain avec une femme au gros sein. Tu demandes d'où ce qu'elle vient, pis qu'est-ce qu'elle fait demain. Maximus fait son entrée, excuse-moi beauté. Essaye pas de te sauver, j'ai quelqu'un à te présenter. Quelque chose à consommer, bouge pas, je vais y aller. Non, c'est ma tournée, t'as rien à débourser. Du moment je peux t'observer, danser, bouger. Venez caler une éclat, pis recommencer parce qu'Hard est bien arrivé. Pis y'a tout manqué d'une femme bien roulée qui se fait remarquer. Hard lip, assieds-toi, man. Dis-moi qu'est-ce que tu bois, man. Y'en pense au WhatsApp, man. Les femmes défilent, gardin. C'est que la cassoir, j'en ramène, amen. Les femelles vont et viennent. J'suis au paradis de la chaîne, ça soit une peaches and cream ou chocolate dream. Hey yo, un coup sur moi, pis mes boys ont tag team. J'fais juste augmenter le steam. Hey yo, j'fais juste augmenter le steam. Hey yo, check this, I drop the heat. I wanna feel the beat going in your feet. Dancing all night, going crazy, cause you feel my heat. Cause you know I'm real, so bounce, baby, bounce. It's time to party, so let's go, everybody, let's go. No more time to waste, is that time I take some place. So let me someplace, so I can rock the dance place. So let me say, some of God, yeah, let me go crazy. I'm about to go wild to the style. Everybody is big, hard, left by this beat. Yo, yo, yo, my shit makes you sick, cause you know and I know and they know that I'm here to stay. Don't forget this, I'm not going no place. I'm here to rock the place until they know my name is Hard Lip. If you won't forget it, but I'll come right back with a track so fat I'll do the party remix on ya so fast you won't have time to look back. I'll be the MC to bash your respect. You know when I smoked you on the mic level, I knew you weren't no great. Sorry I took your place, I took a piece of your plate. The city needs some of the best to represent the rap the outside. Hold the real pride, real life. There's no easy way but the party way, so let me see. All the 40s just go away. Let's get wasted, don't stop me anyway. I get drunk like every day, shoot my basket like I shoot my mic every day. Tomorrow is a new party day, so come my start your guitar. Welcome to my party, ass is a car, PS is familia. Faut que ça bouge, faut que ça bouge, faut que ça bouge, j'essaie. Moi j'ai out toutes les cuits, faut que ça bouge tout de suite. Faut que ça bouge, faut que ça bouge, faut que ça bouge, j'essaie. Yo, yo, faut que ça bouge, yo. I'm starting a trippin', all those people bouncing. Every girl is shining, that's the kind of place I feel myself, so won't you come in. Every day, all day, Friday to Sunday, taking care of party. So come on Mr. DJ, raise up the system so we can spit our anthem and let them dance till the early morning. Faut que ça bouge, faut que ça bouge, faut que ça bouge, j'essaie. Moi j'ai out toutes les cuits, faut que ça bouge tout de suite. Faut que ça bouge, faut que ça bouge, faut que ça bouge, j'essaie. Yo, yo, faut que ça bouge, yo. It's gonna keep on.